rentrer dans les bacs, on vient s'implanter. Ouais, arrête, un étrange étranger, ah, pas étranglé pour manger. C'est pas ta clique qui rapplique comme un équipe dans un flic. Ouais, c'est comme ça. Reste là, j't'ai pas dit basta. Tu veux la bosse qu'on tienne bastos. Les clones vont leur faire subir des sévices. Si t'as rêvé de l'action, Stanny est mon appellation. Fatal click. Ça vient du 9-3. Ça vient du 9-3. Au fait, c'est Asta, c'est fini donc basta. C'est basta.